طيب، إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أولا الباب الماضي الذي أخذنا معه أحدهما، أولا من هذه دوست كوا المحبة. نعم. Elle, tu peux nous dire c'était quoi les formes de mahabba qu'on a appris? La mahabba d'Allah, elle c'est l'ibada. Elle est wajiba. C'est le tawhid. Ensuite, la mahabba fillah, ou tabi'iyya, mahabba tabi'iyya. Comme le fait d'aimer. Les proches, la famille. Thumma, la mahabba fillah. Non. Aimer pour Allah. وهذه كذلك هي واجبة. لكن هي من ما يكمل به الإيمان. ومتى تكون المحبة الطبيعية محرمة؟ هل بيكون لسيت المحبة الطبيعية؟ Voilà, quand tu te pousses à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout en sachant que ce que tu fais, c'est pas permis. C'est une faiblesse dans l'iman. Tu aimes trop cette chose-là, tu peux pas t'en défaire. Donc tu continues malgré que Allah te l'a interdit. Mais c'est pas du shirk tant que tu l'as pas rendu halal, tu dis pas j'ai le droit de le faire. Thumma al-bab al-ladhi ba'dahu al-khawf. Aqsam al-khawf ma hiya? Forme de khawf. Al-khawf min Allah. Wa hadha huwa al-shahid al-tawhid. Ta khawf min Allah bi ikhlas. Naam. Khawf min al-ma'siyah. La la. C'est ça, ma'siyah. Al-khawf al-ladhi. Ça veut dire que tu fais ma'siyah parce que t'as peur. T'as peur de qui? Des gens. Ça c'est le shahid du verset. Innama zalikumu shaitan yukhawifu awliya'ahu. Non, t'as peur d'une chose qui te pousse à tomber dans la marsiya. Les gens ou autre que les gens, ça peut être autre chose. Et l'autre c'est tabiria, une chose avec un sabab. Non. Et la tabiria peut tantaqil lilal khawf allazi yahmal ala fi al-marsiya. La peur naturelle peut t'emmener également dans la deuxième catégorie, te faire tomber dans une marsiya. Et c'est quoi le farq entre le khashiyah et le khawf? Le khashiyah, c'est le khawf avec du ilm. Et du ilm. Et khashiyah, c'est le khawf avec du ilm. Naam. Et du ilm. Innama yakhsha Allah min ibadi al-ulama'. Pourquoi est-ce que les ulama sont les seuls qui craignent Allah réellement? Ils ont le ilm et également ce ilm, ils l'ont quoi? Qu'est-ce qu'il engendre ce ilm? Un ta'zim. Ta'zim. طيب الان سنأخذ بابين جديدين كذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. Donc le chapitre de la parole d'Allah où il dit dans le sens: et c'est sur Allah que vous devez placer votre confiance si vous êtes croyant. Donc tu as déjà compris que ce bab il parle de quoi? Tawakkul. Naam. Faqala Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala arada al-mu'allif bi hadhihi tarjamati bayan wujub tawakkul 'ala Allah wa al-i'timad 'alayhi fi jami' umur ad-din wa ad-dunya wa at-tawakkul min أو التوكل والتفويض إلى الله والثقة به والإيمان بأنه مسبب الأسباب وكل شيء بيده وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ويعلم أن القدر قد سبقه بكل شيء وليس للعبد قدرة على أي شيء ولم يشاء الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب. Donc le mot alif il a voulu par ce bab démontrer l'obligation de tawakkul sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de se reposer sur lui dans toutes les choses, qu'il s'agisse du dîn ou de la dunya. Et le tawakkul, c'est le fait de s'en remettre à Allah, de lui faire confiance et d'avoir pour croyance que c'est lui qui crée les choses et qu'il les cause. Toute chose est dans sa main. Ce qu'il veut se produit, ce qu'il ne veut pas ne se produit pas. Et savoir également que le destin est devant ça en toute chose. Et que le abd n'a aucune capacité, aucune prise sur ce que Allah n'a pas voulu. Et également, ce tawakkul inclut de prendre les causes, les asbab. Donc c'est ça le tawakkul. Le fait de se baser sur Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement, en prenant les asbab, en prenant les causes. Car celui qui se repose sur autre que Allah, qu'est-ce qu'il aura fait ? Du shirk. Il se base sur autre que Allah, il aura fait du shirk. Et celui qui fait Za'man, le mutawakkil, moi j'ai pas besoin d'asbab, tawakkal Allah bes, wa amshi takaddam. Il fait les choses sans prendre d'asbab, il dit moi je me repose sur Allah seulement, j'ai besoin de rien d'autre. C'est quoi ça ? Ça c'est al-qadh, al-shari'a. C'est un torn dans la hikmah d'Allah. Car Allah bi asma'i al-hakim, min sifati al-hikma. C'est-à-dire, c'est comme si tu disais que Allah, ce qu'il a fait, ça sert à rien. Fahimt? Les asbab, Allah les a mis pour une raison. Toi, tu dis, j'ai pas besoin d'asbab, moi, je me pose sur Allah. Fakat. Qadah. Aïe, ou ta'an. C'est une diffamation vraie à la sagesse d'Allah, ce matin-là. Maintenant, Allah est capable de faire des choses sans cause. Ce qu'on appelle des mukarramat, comme c'est des miracles. Et ça, c'est des moments particuliers. Et pour des personnes particulières. Ce n'est pas dans l'absolu. Ce n'est pas demain quelqu'un qui ne sait pas nager, il dit, bon, moi, par exemple, tiré par les cheveux, je vais faire la hijra en Angleterre, je vais nager. On dit déjà, fais pas la hijra en Angleterre, tu le fais vers le pays d'Islam. Deuxièmement, prends le bateau, prends l'avion. Il dit non, j'ai pas d'argent. Moi je me pose sur Allah baisse. Il sort les versets de celui qui meurt, mathalan. Hein? Ou de l'écoute mode, pourquoi de voir ajrou à Allah. Même celui qui sont muhajiran et que la mort le rattrape, sa récompense incombe à Allah. Il dit voilà. Il dit khalas, moi je me jette à l'eau et Allah me fera parvenir à la rive du pays que je voulais. On dit non. فقال عز وجل ولا تلقوا بايديكم للتهلكة كذلك هاي الذي ne vous jetez pas pour votre propre main à la perte. La hijra est conditionnée pour celui qui peut la faire. Toi tu ne peux pas la faire, tu n'as pas les moyens de voyager et tu ne sais pas nager, donc elle n'est pas wajiba sur toi à ce moment là donc il se jette dans l'eau, il se noie. Est-ce que lui on dit que c'est un mutawakkil à Allah? Là on dit que c'est un jahil. Et belle, fichim nilistiza, une forme de raillerie. Maintenant, on dit qu'Allah peut te faire marcher sur l'eau, on est capable, c'est l'achèque. Mais est-ce que ça va être accordé pour toi, ce fadl? C'est un exemple extrême que je donnais. Pour dire que voilà, comme les tablirs aussi, ils font les causes, soi-disant, prendre une voiture sans essence. Et on peut en voyage, faire le tour du monde, faire da'wah. Tout ça, c'est de la moquerie. Il y a un hadith qui est venu sur Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, authentifié par Cheikh Mokbel dans son Jami'a Sahih, qu'il y a des gens du Yémen qui sont venus pour le Hajj, sans prendre de zed, de provision ni rien du tout. Et ils disent, nous al-mutawakkilun ala Allah. Il a dit, antum al-mutawakkilun. Vous n'êtes pas mutawakkilun, antum mutawakkilun. C'est-à-dire, vous êtes des gens, vous basez sur les gens, vous mangez des gens. Vous êtes partis sans provision, en espérant que les gens vous donneraient. Ça, c'est pas tawakkul, ça. Ça, c'est tawakkul. Et il les a blâmés pour cela. Donc, le mutawakkil, il prend les asbab. Et les asbab, des fois, ne sont même pas ces asbab en soi qui t'accorderont ce que tu as voulu obtenir. Ça peut venir d'un autre côté. Mais tu as fait le sabab, et Allah a fait que le fait que tu fais ce sabab, c'est une cause pour que ce que tu as voulu avoir te parvienne. Non. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم que les croyants sont seuls ceux dont les cœurs frémissent lorsque le Allah est évoqué. وقال عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ô toi le messager ou plutôt le prophète Allah te suffit à toi ainsi qu'aux croyants. Et dans ce verset, quelqu'un qui aurait des bases d'arabe, mais des mauvaises bases dans l'aqida, pourrait se tromper. Quand il dit « Ya yuwa nabi ou hasbuka Allah wa man ittaba'aka min mu'minin » Il pourrait dire que « hasbuka ou Allah » que Allah te suffit, ainsi que les croyants, ceux qui t'ont suivi, te suffisent également. Non, là le « hasb » il est pour le nabi et pour les mu'minin. Fahamt ? À la voyelle, ça peut être trompeur. Quelqu'un pourrait croire que le hasb du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah, et également son hasb, ce sont ceux qui l'auront su parmi les croyants. Ce qui te suffit, ta garantie. On dit non, que là le hasb, hasbouk Allah, c'est pour toi le prophète, et pour ceux qui t'auront suivi parmi les croyants. وقال عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه et celui qui se repose sur Allah il lui suffit. فقال الشيخ بعد هذا يعني العمل بالطاعة وترك المعاصي لينال الجنة ويأكل ويشرب ويتجنب ما يضره لأن هذا السبب حياته فهذا لا ينافي التوكل بل التوكل مجموع لأمرين الثقة بالله وأنه مسبب الأسباب ومصرف الأمور وكل شيء بيده ثانيا الأخذ بالأسباب donc il dit le fait justement d'obéir à Allah et de laisser les معاصي pour obtenir le Jannah, et de manger, et de boire, et d'éviter tout ce qui peut nous nuire. Car cela sont des causes de notre vie, entre au Jannah. Et cela ne s'oppose pas au tawakkul. Mais le tawakkul, lui, regroupe deux choses. Le fait d'avoir confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui est celui qui fait les causes, et celui qui dirige toutes choses, dans le décret entre ses mains. Et également, deuxième point, de prendre les asbab. Donc prendre les causes, se soigner quand on est malade, c'est pas un sort de tawakkul s'il y a besoin. Faire les asbab, faire la hijra, pour réunir ce qu'il faut, ce qui suffit, c'est un sort de tawakkul. Tu fais les asbab pour partir. Toutes les choses que tu veux obtenir pour un bien en cette dunya ou dans l'au-delà, prends les causes. La science, elle s'apprend. Parmi les causes, voyager vers les mashayikh. Fahamt ? Celui qui ne peut pas, il écoute des douros de ce qu'il peut ou de ce qu'il a à sa portée. Ça, c'est des asbab qu'il prend. Il ne dit pas, je reste comme ça et Allah va me rendre alim. Et il reste comme ça et il ne fait rien. On ne dit sûrement pas, c'est pas comme ça que ça rentre la science. Thomakol. وليس التوكل ترك الأسباب كما يقول أو تقول الصوفية بل لابد من الأمرين ويستعين بالله في ذلك التوكل c'est pas comme le font les soufis qui délaissent les asbab alors les tabligh font partie des soufis comme l'a dit Cheikh Al-Bani rahmallahu ta'ala que les tabligh c'est les nouveaux soufis les soufis modernes quelque sorte c'est une branche du soufisme mais il a dit il faut prendre les asbab et rechercher de l'aide auprès d'Allah. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم صلى الله عليه وسلم حين القي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري والنسائي. Ibn Abbas il a dit quoi dans la parole d'Allah dans le sens où il dit que Allah nous suffit et qu'il est bon garant. Que Ibrahim a prononcé cette parole-là lorsqu'il était jeté au feu. Et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam également l'a dit lorsque il lui fut dit que les gens, c'est-à-dire tous les ennemis, les mouchtekoun, se réunissent pour vous combattre, alors craignez-les. Qu'est-ce qu'il a dit? Lui et ses compagnons, cela leur rejette de la foi, et ils ont dit que Allah nous suffit et qu'il est bon garant. Pourquoi cela leur rejette de la foi? Car cela est une promesse d'Allah. Allah leur a promis, il les a avertis que les mouchtekoun vont vous combattre et se réunir pour vous. Donc lorsqu'on les a appris ce khabar, cette information, ça leur a dit, Allah nous a vraiment dit cela. Allah nous avait promis que les mouchikoun allaient nous combattre et se réunir. Donc cela ajoute de la foi. Également le tawakkul. Car il leur a promis également que si jamais ils se basent sur lui, ils auront la victoire. Et Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a cassé les idoles de son peuple, et qu'ils ont dit, harrikuhu wansuru aliyatahum aliyatakum kuntum fa'ilin, brûlez-le et sauvez vos divinités si jamais vous êtes capables d'agir. Car il les a mis dans l'embarras. Parce qu'il a cassé leur grande divinité, il a dit qui les a cassés? Il a dit la grande là. Fahemt? Après, il leur a dit, demandez-lui si jamais il peut parler. Demandez-lui qu'est-ce qu'il a fait cela. Ils ont dit, ne parle pas. J'ai dit, donc vous adorez ce qu'il ne parle pas. Et qu'il ne peut rien, même pas se protéger lui-même. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour vous? Donc de là, pris dans l'embarras, ils n'ont trouvé qu'autre solution que de le brûler. Et de là, Allah subhanahu wa ta'ala qu'allait, barden wa salama ala Ibrahim. Il a dit au feu, sois fraîcheur et sérénité pour Ibrahim. Donc leur complot s'est retourné contre eux et que leur feu n'a rien fait à Ibrahim alayhi salam. Regarde parmi les choses, qu'est-ce qu'il a fait Ibrahim? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu le feu fraîcheur. Et il n'a pas eu peur. Il aurait pu avoir peur à ce moment-là. Et délaisser tout. Il a fait son tawakkul sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est laissé prendre et jeter au feu. Et avant d'entrer dans le feu, il a fait ce dua. On se rappelle, qu'est-ce qui s'est passé? Allah subhanahu wa ta'ala a rendu le feu très cher. Le feu ne lui a rien fait. Hada wa ghayat at-tawakkul. C'est vraiment l'extrême tawakkul. Donc ça a été quoi? Qu'est-ce qu'il a eu droit? Une mu'jiza. Un miracle. فقال الشيخ وهكذا ينبغي للمسلم أن يقولها عند الشدائد ولكن هذا لا يمنع من الأخذ بالأسباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها وقد لبس الدرع وحمل السلاح ووضع الخوذة على رأسه وكذلك فعل أصحابه يوم الأحزاب حفر الخندق. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. Il a dit c'est comme ça que le musulman doit être. Il doit dire cette parole-là lors des moments difficiles. Mais cependant, cette parole-là ne l'empêche pas de prendre les asbab. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit cette parole-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait revêtu son armure. Il avait pris son arme et posé son casque sur la tête. D'accord? Et c'est ashab kadhalik. Et le jour des Ahzab, des coalisés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé les khanadiq. Avant le fait que Salman, il soit celui qui ait proposé cette idée au message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le hadith miyazbut. Il n'est pas authentique. Il n'est pas authentique. Et Allah azawajal, dans le sens où il dit, ô vous qui avez cru, prenez vos précautions. Donc ça c'est mimbaza. طيب نأخذ المسائل من هذا الباب. قال فيه مسائل. الأولى أن التوكل من الفرائض. Que le tawakkul est parmi les choses qui sont obligatoires. Sans tawakkul, tu n'arriveras à rien du tout. الثانية أنه من شروط الإيمان. Il est parmi les conditions de la foi. Si tu n'as pas de tawakkul, c'est pas un mu'min. in kuntum mu'minin, comme tu l'as entendu. La thalitha, tafsir ayat al-anfal, le tafsir du verset de la sourate du butin. La rabi'a, tafsir ayat fi akhiriha, le tafsir à la fin de la sourate. Al khamisa, tafsir ayat al-talaq, le tafsir du verset dans la sourate du divorce. Tous les versets sont tawakul, mis en début de bab. Sadisa, عظم شأن هذه الكلمة وأن يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في شدائد. L'importance et la grandeur de cette parole qui est حسبنا الله ونعم الوكيل, et que Ibrahim l'a prononcé ainsi que Mohammed صلى الله عليه وسلم lors des difficultés. Ça, c'était باب التوكل. Ça, c'est le sujet qu'on aborde énormément dans les durus. Donc, on n'a pas parlé super longtemps ici là dans ce ders. Dans plein de durus, on en parle beaucoup de التوكل. C'est l'un des pivots de la foi, kazalik. Et celui qui n'a pas de tawakkul tombera dans des l'énormité. طيب. الباب الذي بعده. قال المؤلف رحمه الله تعالى. باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله ولا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. Donc il a dit, se sont-ils sentis à l'abri du complot d'Allah? Et seuls les perdants le sont à l'abri du complot d'Allah. Je ne sais pas si makr fi haqqillah, disant complot en traduction, c'est correct, mais à la base, en makr, en français, c'est complot. Wa qala azza wa jal wa man yaqnatu mi rahmatillahi wa min rahmati rabbihi ila dhalun. Et qui donc désespère de la miséricorde de son Seigneur à part les égarés. Wa qala al-shaykh fi hadha al-bab. Hadha al-bab li bayyin tahrim al-amn maklillah wa al-qunut min rahmatillah wa bayyin ba'd hadhihi al-kaba'ir. Donc ce chapitre est venu pour démontrer l'interdiction de se croire à l'abri du complot d'Allah et de désespérer de sa miséricorde. Et pour également démontrer certains des grands péchés. Donc là, ça revient à quel mas'ala, un peu ce qui a déjà été cité précédemment, la peur et l'espoir. Ne te crois pas à l'abri que Allah puisse t'atteindre de son châtiment, tout comme tu ne dois pas espérer que Allah te pardonne dans ce que tu as fait. Ni l'un ni l'autre. قال فالأمن من مكر الله من الكبائر وهو يفضي إلى التساهل في محارم الله. لأن من آمن بمكر الله سأت أعماله وأخلاقه وتصرفاته ولا يخاف الله ولم يخاف الله. Donc le fait de se sentir à l'abri du makr d'Allah, c'est parmi les grands péchés. Car cela t'emmène à quoi? À devenir laxiste dans ce que Allah SWT aura interdit. Car celui qui se sent à l'abri de cela, ses œuvres seront mauvaises, ainsi que son comportement, ainsi que son attitude, car il n'a pas peur d'Allah. Et celui qui n'a pas peur d'Allah, Yahri, t'attends pas à avoir du bien de lui. Car il n'y a rien qui le stoppera. On a expliqué quoi? Que la peur d'Allah t'empêche d'enfreindre les interdits. Donc lui, il n'a pas peur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lancer. Il fera ce qu'il a dans sa tête. قال والقنوط هو اليأس من رحمة الله كذلك فإنه يسوء ظنه بالله وتنكسر نفسه وتحترق. والواجب أن يكون المسلم بين الأمرين فيرجو الله ويخاف ذنوبه ومعصيه ولا يغرق في المعاصي ويأمن مكر الله وكذلك لا يأس من رحمة الله بل يكون كالطير بين الجناحين. Donc il dit, et le kunut avec le ta, là c'est pas avec le ta, kunut avec le ta on l'a pris, c'est celui qui est mustamir sur la ta'a. وكان من القانتين وكانت من القانتين قال هذا عن مريم وقال عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. Nous sommes un peu dans le verset que Ibrahim était قانتا لله, c'est-à-dire مستمر في الطاعة. Donc le كنوت et le كنوت, il y a une différence. Là il parle du كنوت avec un ta. Donc ça c'est le désespoir, de désespérer de la rahma d'Allah, qu'il pensera du mal d'Allah. Il pensera que Allah ne fera que le châtier, que Allah ne peut lui pardonner. Donc ce qui est obligatoire pour les musulmans, c'est qu'ils sont entre les deux. Qu'il espère d'Allah la miséricorde, également qu'il ait peur de ses péchés, de ses ma'asi, afin de ne pas s'y enfoncer encore plus et de se croire à l'abri du coupeau d'Allah. Il doit être comme l'oiseau, comme l'a dit l'imam Ahmed, comme l'oiseau. Chaque aile représente un des deux sentiments à ressentir, l'espoir et la peur. Si l'une des ailes flanche, qu'est-ce qui se passe? L'oiseau y tombe. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله ذكر ابن كثير في تفسيره وعزاه إلى ابن أبي إلى ابن أبي حاتم ما يصاب الحكم ده أثر رسول ابن عباس que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il est interrogé à propos des kabaïr, des grands péchés. Il a dit le shirk et également le désespoir. Et troisièmement, sentir à l'abri du coupeau d'Allah. Donc ces choses-là, le shirk, c'est le point des zunoub. Parmi les grands péchés, le désespoir. Et ça, qui est-ce qui a été plus amené à tomber dans ce côté-là? Khawarij. Une pure exagérée au point de rendre mécréant toute personne qui tombe dans le péché disant que Allah ne pardonnera pas. Tomber dans le rouleau. Et l'autre côté, c'est qui? Sophie. La Sophie long, mais c'est qui là-bas, la firqa de base qui a ça en soi? Le makre, l'âme de makrillah qui dit qu'on peut tout faire. Allah va pardonner tout. C'est qui? Dans les musulmans. Ah, ils vont. C'est Sophie, ils ont ça, mais c'est pas eux la secte de base. Ils ont une branche de cette secte-là. C'est qui? Murji'a. Les Murji'a. Après, les Murji'a sont différentes catégories. Et parmi eux, ce sont les Kuffar. Murji'a al-Jahmiya. La Salen. Wa qala Ali al-Mas'ud. Radiallahu anhu. Qala akbar kabair al-ishraku billah. Wa l'amnu min makrillah. Wa l'kunut min rahmatillah. Wa l'yas min ruhillah. Rawahu Abdul Razzaq. Donc ce hadith nous démontre, selon Ibn Mas'ud, qu'il a dit, c'est pas un hadith, c'est un asar d'Ibn Mas'ud, qu'il a dit, le plus grand des péchés, c'est le fait d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, se croire à l'abri du coupeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le kunut, désespéré de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa liyas min ruhillah kadhalik. Muradif, c'est synonyme. Maintenant, le makr, Adam Sifatillah. Cependant, lorsque Allah dit le ma'akir, là, c'est un nom que lui donne qu'en muqabil. Que Allah fait cela pour ceux qui font cela. Mais ma'akir, tout ça comme ça, mutlaqan, on ne le dit pas. On le dit juste que Allah, subhanahu wa ta'ala, pour celui qui complote, Allah également a du makr. C'est pas muqabil. Hein? On ne le dit pas comme ça tout seul. لا تجيب الله هو الماكر لكن تقول الله يمكر بما يمكر به فهمتني دونك دي با الماكر من اسماء الله لا ça se dit pas mais le makr min sifatihi lakin c'est une sifa fi'liya il a fait quand il veut comment il veut mais il l'a fait comme muqabil avec celui qui agit de la sorte et cela c'est une forme de force et de mérite. Car celui qui se prend un complot par son ennemi qu'il ne voit pas arriver, on va dire tu t'es fait avoir, tu n'as rien vu. Donc c'est un ox. Alors celui qui voit le complot de son ennemi et qui le retourne contre lui, on dit qu'il est fort celui-là, en stratège. Donc fi shanila hada min sifat kamal. Donc là c'est ça le bab qu'on a pris aujourd'hui. Qui est lié à l'espoir et la peur par rapport à ce que Allah pourrait te faire subir. L'espoir, prendre le chiffre lorsque tu espères d'une créature ce qu'elle ne peut accomplir. Ar-Raja, ibada. Après raja, comme le doua, il y a taksim. Tu as raja qui peut faire une chose, une créature, est-ce qu'il est en mesure de faire ? Bien évidemment. Donc toi, ne sois pas de ceux qui désespèrent, quoi que tu fasses, qui disent que Allah il va me châtier, il va me punir, car tu vas désespérer, tu vas tout abandonner. Ni des laxistes qui disent que quoi qu'il en soit, Allah il pardonne tout. Il est Rahman, il est Rahim, il fait tous les péchés, on lui dit Takilla, il y a Akhana, Kazala Kazala, il dit non, Allah il pardonne. Et il fait. Donc lui, il se croit à l'abri. Il se croit à l'abri. Parce que Allah peut lui réserver. Et ça, c'est parmi les kabaïres. Et ça, c'est une chose qui a touché beaucoup de la Ummah. Car la Ummah est plus dans le Raja, dans ce côté-là, que dans l'autre. On va prendre les masaïl liés à ce bab. Il n'y en a que quatre. Qala, rahimahullah ta'ala. Fi masaïl, l'oula, tafsir ayat al-A'raf. Le tafsir du verset des A'raf. Athaniya, tafsir ayat al-Hijr. Traduit par l'Exode. Tafsir du verset Al-Hijr. Al-Thalitha. Non, c'est Al-Hash, l'Exode, je crois. L'Exode, c'est Al-Hash. Al-Hijr, je ne sais pas comment on le traduit, j'ai oublié. Al-Thalitha. Shiddat al-Wa'id fi man aman amina makra Allah. La dureté du châtiment planant. Pour celui qui se croit à l'abri du coupé d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wa rabi'a. Shiddat al-Wa'id min al-Kunut. Et la dure menace planant celui également qui désespère. Donc attention, ne pas désespérer, ne se croire à l'abri, mais être entre les deux. Mu'tadil, el wasat, juste milieu. Et des fois, en fonction de certains cas, l'un peut prévaloir sur l'autre. Par exemple, quelqu'un, Masalen, qui fait des péchés, qui sont au point de mourir, qu'est-ce que tu lui rappelles le plus ? La rahma, à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'il est sur le point de mourir peut-être, et il voit ses péchés. Il dit, Allah, il va me châtier, je ne vais rien. On dit, non, espère du bien, à ce moment-là. Et quelqu'un, tu vois qu'il assiste. Lui, tu accentues plus sur le côté de la peur. Tu es en train de faire des péchés, je ne sais pas, par exemple, il boit d'alcool, il prend sa voiture pour aller, je ne sais où, dans des lieux Muharrama, tu lui fais un rappel avec Bishidda, qu'il ait peur. Mais tu meurs, l'akhi, imagine tu prends ta voiture, tu meurs, t'es ivre, avec la niya d'aller dans tel lieu, faire tel acte. Imagine tu meurs sur ce hal-là. Après, il dit, ah, Allah ghafur rahim, il va me pardonner, Allah. Lui, tu lui fais peur à celui-là. T'as même ? Mais là-bas, c'est qu'on doit être entre les deux. Adam. Naam. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui, on a pris ces deux belles. Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.